السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، دونك الشيخ عبيد الجابري الجي، القاعدة الرابعة في الرد على المخالف، la quatrième règle de base dans le manhaj salafi en ce qui concerne la réplique envers le contrevenant. وكثير من الناس يهولون شأن هذا الجانب ويرونه عامل تفرقة للأمة، لأن الأمة كما زعموا تحتاج إلى الاجتماع ورأب الصدى. Donc, le Cheikh il dit, beaucoup de gens minimisent, beaucoup de gens minimisent ce côté qui est la réplique au contrevenant. Et ils voient, ces gens qui minimisent cette chose, le Cheikh nous dit que ces gens-là, ils voient que la réplique est une cause de division de la communauté. Et ils disent donc que la communauté, comme ils prétendent, la communauté a besoin de s'unir. Ils disent, la communauté a besoin de s'unir. Et on a besoin de réconcilier les cœurs. On a besoin de réconcilier les cœurs. Le Cheikh, il répond, il dit, فَنَقُولُ أَوَّلًا هذا الاجتماع الذي تؤسسون له بما تؤسسون وتقعدون له بما تقعدون وتدعون إليه بشتى العبارات، أهو في ذات الله أم في ذات الأشخاص؟ Le Cheikh il dit, nous disons premièrement, cette union pour laquelle vous venez vous inventez de nouveaux fondements et pour lequel ou pour laquelle Afwan et cette union pour laquelle vous établissez de nouvelles règles et vous y appelez en utilisant tout type de termes et d'expressions, cette union à laquelle donc vous appelez, Est-ce que c'est une union pour Allah ou c'est une union pour les gens? فإن كان في ذات الأشخاص فهذا لا حاجة بنا إليه. Si c'est pour les gens, si cette union c'est une union pour les gens, eh bien nous n'en avons pas besoin. وإن كان في ذات الله فمن أين تستمد أصوله وقواعده. Et si c'est pour Allah, si cette union elle est faite pour Allah, alors le Cheikh il demande d'où sont tirés ses fondements et ses bases. D'où sont tirés les fondements et les bases de cette union si elle est faite pour Allah. Il a dit, si elle est faite pour les gens, ça on n'en a pas besoin. Et si elle est faite pour Allah, reste à savoir maintenant quels sont les fondements et les règles de cette union qui est faite pour Allah. Ensuite, le cheikh il dit فَإِنَّهُ تُسْتَنَدُ أُصُولُهُ وَقَوَاعِدُهُ مِنَ النَّصِ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ وَمِنْ إِجْمَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ. Donc le cheikh répond à la question, il dit que les fondements et les bases de cette union, ils sont tirés, les fondements et les bases de cette union, ils sont tirés des textes qui sont le Coran et la Sunna, et ils sont tirés également de l'ijma', du consensus des pieux prédécesseurs. Donc, je résume jusque-là ce que le Cheikh a dit. Le Cheikh a dit donc qu'il y a des gens qui minimisent de la réplique et qui voient que c'est une cause de division de la communauté et que la communauté aujourd'hui a besoin de s'unir et de se réconcilier. Et ça, bien sûr, il n'y a pas de doute que la communauté a besoin de quoi? De s'unir et de se réconcilier. Mais le Cheikh, il va répondre en plusieurs points, et le premier des points qu'il cite, il dit que cette union à laquelle ces gens-là appellent, est-ce qu'elle est faite pour Allah ou est-ce qu'elle est faite pour les gens? Elle dit, est-ce que les gens qui appellent à cette union, est-ce que cette union, elle est faite pour l'amour d'Allah ou est-ce que cette union elle est faite pour l'amour des gens simplement? Si elle est faite pour l'amour des gens, ça on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de s'unir pour que les gens ils s'aiment entre eux, tout en contredisant la vérité. C'est ça que le cheikh veut dire. Et si elle est faite pour Allah, alors le cheikh il a donné les bases et les fondements de cette union qui est faite pour l'amour d'Allah. Et les bases et les fondements de cette union, ce sont le Coran et la Sunna et le consensus des pieux prédécesseurs. Donc ce sont les trois choses sur lesquelles cette union va être basée. Cette union, elle va être basée sur le Coran, sur la Sunna et sur le consensus des salafs, des pieux prédécesseurs. Ensuite, le cheikh il dit وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة على أنه لا يجتمع الناس إلا على ما رضيه الله سبحانه وتعالى من دين الحق الذي أساسه الدعوة إلى التوحيد وسائر الطاعات من فرائض ومستحبات والنهي عن الشرك وسائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات. Donc il dit, le livre d'Allah et la sunna de son messager et le consensus des gens de la vérité et de la guider parmi les imams de cette religion, les grands savants de cette religion. Donc le livre d'Allah ainsi que la sunna et ainsi que le consensus des gens de la vérité parmi les grands savants de cette communauté, tous ils nous indiquent que les gens ne peuvent s'unir, que les gens ne peuvent s'unir que sur ce qu'Allah agrée comme religion de vérité. Et cette religion de vérité, quelle est sa base? Sa base, c'est d'appeler au tawhid, d'appeler à unifier Allah subhanahu wa ta'ala, et d'appeler également à tous des actes d'obéissance, qu'ils soient obligatoires ou recommandés. Et également, la base de cette religion, c'est d'interdire le shirk, le polythéisme, et tous les péchés. Et parmi ceux-là, les innovations et les nouveautés apportées dans la religion. Donc la base de cette religion, ce que le cheikh nous dit ici, c'est que la base de cette religion, c'est d'appeler au tawhid et à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'interdire et de combattre le shirk et toute désobéissance, parmi lesquelles les innovations. إذن ما رضيه الله جل جلاله للعباد والبلاد ولم يرضى غيره ينحصر في أمرين. Donc ce qu'Allah agrée pour les gens, il n'y a pas une autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ce qu'Allah agrée, il se résume ou il se concentre dans deux choses. الأمر الأول إخلاص الدين لله. La première des choses, c'est de vouer un culte exclusif à Allah. وأساسه توحيد الله سبحانه وتعالى ثم فرائض الدين العملية. Et la base de cela, c'est l'unification d'Allah, puis les obligations religieuses dans la pratique. الأمر الثاني, la deuxième des choses, dans quoi se concentre donc, yani, ce qu'Allah agrée pour nous, التحذير من كل مغاضب الله سبحانه وتعالى ومساخطه. Donc la deuxième des choses, la première des choses, il nous a dit, c'est quoi? C'est de vouer un culte exclusif à Allah, en l'unifiant et en accomplissant les obligations religieuses. Et la deuxième chose, c'est de la mise en garde contre toutes les choses qui courroucent Allah et qui le mettent en colère. وَأَعْظَمُ مَا يُعْصَى اللَّهُ بِهِ وَأَعْظَمُ مَا غَاضِبِهِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ التحذير من الكبائر وسائر البدع والخرافات لأنها تكدر صفو الإيمان وتنقصه. Donc le cheikh il dit, et la pire des choses par laquelle Allah est désobéi, et la pire des choses qui amène la colère d'Allah, c'est de lui attribuer un associé, de faire du shirk, du polythéisme. Et après cela, après le shirk, ce qui est de plus grave après le shirk, après la mise en garde contre le shirk, il dit, la mise en garde contre tous les grands péchés et contre toutes les innovations et superstitions. Pourquoi? Le cheikh il dit, car elles viennent entacher et elles viennent salir la pureté de la foi et elles viennent la diminuer. وثانيا أنتم تريدون أن لا يفترق المسلمون. أو عفوا، il le met sous forme de question. Il dit: أنتم تريدون أن لا يفترق المسلمون. Vous voulez que les musulmans ne se divisent pas. فإذا قالوا نعم، s'ils disent oui، قلنا تريدونهم أن يجتمعوا على ماذا؟ على منهج معين. Donc s'ils nous disent oui, qu'ils ne veulent pas que les musulmans se divisent, alors nous leur disons: vous voulez que les musulmans s'unissent sur quoi? Sur une voie précise ou non? الجواب نعم. Ils vont dire oui. On veut qu'ils s'unissent sur une voie précise. نقول اسمعوا ما جاء به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال الجماعة. وقد قدمت شيئا من الكلام على هذا الحديث. دونك le cheikh il dit s'ils répondent par oui qu'ils veulent unir, que les musulmans s'unissent sur une voie bien précise, alors nous leur disons écoutez ceux qui est venu, ce avec quoi est venu le serviteur d'Allah, son messager, celui qui l'a élu et son ami intime Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette communauté se divisera en 73 groupes, tous iront dans le feu, sauf un. Ils ont dit, quel est-il? Il a répondu, Al-Jama'a, le groupe. Et le shir, il dit, et nous avons déjà yani, parlé de ce hadith yani, auparavant. Yani, dans le début de cette conférence ou de cet écrit. طيب. Ensuite le cheikh il dit هذا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. Voilà ce qu'Allah agrée. فإذا الجماعة الجماعة ou plutôt الجماعة الجماعة وهي السلفية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأبى الله أن يجتمع الناس على غير ذلك. Donc le cheikh il dit voilà ce qu'Allah agrée. Donc le groupe et c'est la salafia et c'est le groupe sauvé, le groupe victorieux, le groupe sauvé, ceux qui sont sur le même chemin que le prophète et les compagnons. Allah refuse et empêche que les gens s'unissent sur autre chose que cela. وثالثا le troisième élément de réponse de Cheikh Obeid à ceux qui veulent unir la communauté et qui disent qu'il ne faut pas faire de réplique. Donc la troisième chose, il dit وثالثا ألا ترون يا هؤلاء الفرقان بين الحق والباطل. Troisièmement, on dit à ces gens-là, ne voyez-vous pas qu'il y a une différence et une distinction entre le vrai et le faux? فَإِنْ قَالُوا لَا لَمْ يُقِرَّهُمْ أَحَدْ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فُرْقَانٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ سَوَاءً فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ فِي الْمُعَامَلَاتِ أَوْ فِي السُّلُوكِ الشَّخْصِي بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَجْرِ بَيْنَ النَّاسِ لَا بُدَّ مِنْ فُرْقَانٍ. S'ils répondent non, qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction entre le vrai et le faux, personne ne va être d'accord avec eux. Car il est obligatoire qu'il y ait une distinction entre le vrai et le faux, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le comportement personnel, et même dans toute chose qui arrive ou qui se passe entre les gens, il est obligatoire qu'il y ait quoi? Qu'il y ait une distinction entre le vrai et le faux. وَإِنْ قَالُوا نَعَمْ قُلْنَا لَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ سبحانه وتعالى وفرق رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع أئمة الدين والملة على نبذ كل ما خالف منهج الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون. Et s'ils disent oui, qu'il y a une différence et une distinction entre le vrai et le faux. S'ils disent qu'il y a une distinction entre le vrai et le faux, alors nous leur disons que certes Allah et son messager ont divisé et ont différencié entre le vrai et le faux. Et les grands savants de cette communauté sont unanimes sur le fait de rejeter tout ce qui contredit la voix d'Allah avec laquelle sont venus les prophètes et les messagers. واسمعوا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui innove une chose dans notre religion, alors son innovation lui sera rejetée. Wa fi riwayatin li muslim, et dans une version de muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait un acte qui n'est pas conforme à notre religion, son acte est rejeté. والرد معناه المردود. Donc الرد, ce qui veut dire la signification de الرد, c'est-à-dire qu'il est rejeté. وما كان مردودا فكأنه غير موجود. Et ce qui est rejeté, c'est comme s'il n'avait pas existé. قال أهل العلم والرد إذا أضيف للعبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها. Les savants ont dit, les gens de science ont dit, le rejet, lorsqu'il est attribué à une adoration, c'est-à-dire lorsqu'on dit d'une adoration qu'elle est rejetée, cela implique que cette adoration est annulée et qu'elle n'est pas prise en considération. وَإِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمُعَامَلَةِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي إِلْغَاءَهَا وَعَدَمَ نُفُوذِهَا. Et lorsque le rejet, il est attribué à une relation ou à une transaction, là ici c'est plutôt à une transaction, c'est-à-dire lorsque l'on dit d'une transaction qu'elle est rejetée, cela implique qu'elle est annulée et qu'elle ne rentre pas en vigueur. Que ce soit une transaction commerciale ou un mariage ou autre. Lorsque l'on dit qu'il est rejeté, qu'il est mardoud, ou qu'il est batil, qu'il est faux, cela implique donc qu'il est annulé et qu'il ne rentre pas en vigueur. Ensuite, le shaykh il dit: ثم اسمعوا ثانيا سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Également, écoutez, deuxièmement, un autre hadith. Viendra des gens qui vont vous rapporter des choses que vous n'avez jamais entendues, ni vous ni vos pères. Alors méfiez-vous de ces gens-là. Et ce hadith, il est rapporté par Muslim. Ensuite, le shaykh, il dit: ثم اسمعوا ثالثا. Écoutez troisièmement. وهو حديث العرباد بن سارية الصحيح المشهور. Il va citer donc là le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiallahu anhu, le hadith authentique et connu. قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية فبما تعهد إلينا. Le hadith donc de Al-Irbad ibn Sariya, qui est très connu et authentique, dans lequel le prophète, dans lequel Al-Irbad, il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a exhorté, et son exhortation a fait frémir les cœurs et a fait pleurer les yeux. Alors nous dîmes: ô messager d'Allah, on dirait l'exhortation de celui qui fait ses adieux, alors conseille-nous. Et dans une version: qu'est-ce que tu, à quoi tu nous engages? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Al-Hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a exhortés, il leur a dit: je vous recommande de craindre Allah et d'écouter et d'obéir à vos gouverneurs, même si c'est un esclave abyssin qui vient à votre tête. Et méfiez-vous des nouveautés dans la religion. Car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Alors à ce moment-là, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Tenez-vous-y fermement et mordez-y à pleines dents. Yani, mordez-y avec vos molaires. Al-Hadith. هذا بعض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Ceci, ce sont quelques exemples de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. وهي مجتمعة على القضاء بأنه لا يصلح الناس ويجمع شتاتهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc la sunna, ces exemples de la sunna que le cheikh a cité, ils vont tous dans le sens et ils établissent tous que les gens, que rien ne peut améliorer les gens et ne peut unir leur dispersion si ce n'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ويزيد هذا وضوحا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث. Et parmi les choses qui viennent éclaircir encore plus ce que je viens de citer, le cheikh dit, ce qui a été rapporté par Ahmed et Muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas eu un prophète avant moi sans qu'il n'ait été de son devoir d'indiquer à sa communauté tout le bien qu'il connaissait pour eux et d'avertir sa communauté contre tout mal qu'ils connaissaient pour eux. Et cette communauté, et votre communauté, et le salut de votre communauté a été mis dans les premiers, dans les premières générations. Quant aux derniers, quant aux derniers de cette communauté, ils seront touchés par des épreuves et par des choses répréhensibles. El Hadith, jusqu'à la fin du Hadith. Le Cheikh il dit وهذا الحديث يا بني مصداق لما رواه الإمام مالك رحمه الله قال عفوا donc le Cheikh il dit ce hadith ô mon fils il est une preuve pour ce qui est rapporté par l'imam Malik رحمه الله lorsqu'il dit كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا اعلموا أنه لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله قال أشهد قلت لمالك يريد ماذا قال يريد بادئ الإسلام أو قال يريد التقوى. Donc l'imam Malik il disait Wahb ibn Kaysan qui était un tabi'i, Wahb ibn Kaysan s'asseyait pour nous enseigner et il ne se levait jamais de son assise avant de nous dire sachez que rien ne pourra améliorer le dernier de cette communauté, si ce n'est ce qui a amélioré les premiers de cette communauté. Ashhad, qui était un élève de l'imam Malik, rahimahullah, Ashhad, il a dit, j'ai dit à Malik, que voulait-il dire par là? Alors Malik a répondu, Il voulait dire par là le début de l'islam, les premiers temps de l'islam, ou il voulait dire la crainte d'Allah, et taqwa. وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رد المخالفة وإن لم تكن بدعية. وأنا ذاكر لك بعض ما صح عنهم رضي الله عنهم وأتبعه ببعض أقوال من بعدهم. Ensuite, Cheikh Obeid, il dit, il a été beaucoup rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam des textes dans lesquels ils ont réfuté et rejeté les contradictions à la sunna. Même si ce n'est pas une innovation. Et le Cheikh il dit, je vais te citer quelques petites choses qui ont été rapportées d'eux, puis je le ferai suivre par les paroles de gens qui sont venus après eux. فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Donc Al-Farouq Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsque vous entendez قال Al-Farouq, le Farouq Al-Farouq a dit, Al-Farouq c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, c'était son surnom Al-Farouq. Donc Al-Farouq, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a dit, prenez garde aux gens qui émettent leurs avis de leur tête, car ce sont les ennemis des sunnas. ils se sont lassés de mémoriser les hadiths. Donc ils ont parlé, ils ont émis des avis, ils ont émis des avis sortant de leur tête. Et par là, ils se sont égarés et ils ont égaré les gens. Donc là, vous voyez une mise en garde de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il nous met en garde contre les gens qui émettent des avis de leur tête, qui font des patois de leur tête. Et il dit que ces gens-là, ce sont les ennemis des sunnas. Et qu'ils se sont lassés de mémoriser les hadiths. Donc ils ont fait, ils ont émis des avis de leur tête. Et par là, ils se sont égarés et ils ont égaré les gens. وقال ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما وقال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. ابن عباس رضي الله عنهما il disait par Allah, je jure par Allah, je ne pense pas qu'il y ait une personne dont la mort plairait le plus à Shaitan que moi. Il n'y a pas une personne que le Shaitan aimerait voir mourir plus que moi aujourd'hui. Faqila wa kayf. Ils lui ont dit, comment cela? Qal, tahduth al-bid'atu fil mashriqi aw al-maghrib. Fayahmiluha ar-rajulu ilayya. Fa'idha hamalaha ilayya, qama'tuha bis-sunnah. En réponse à cela, Ibn Abbas il dit, lorsqu'ils l'ont dit, comment cela? Comment ça se fait que tu penses qu'il n'y a pas une personne que le shaitan il aimerait plus voir mourir que toi aujourd'hui? Il a répondu, Ibn Abbas, parce que l'innovation apparaît à l'est ou à l'ouest, puis un homme me la rapporte. Et une fois qu'il me l'a rapporté, je la brise avec la sunna. Et de ce fait, elle est rejetée sur celui qui l'avait innové. Pourquoi Ibn Abbas radiallahu anhuma il dit cela? Et que le shaitan, il aimerait qu'Ibn Abbas meure plus que toute autre personne. Il a expliqué, c'est à cause de l'innovation, que Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il réfute et qu'il brise par la sunna. Parce que, comme beaucoup de salaf ont dit, al-bid'atu ahabu ila shaytani min al-ma'asi. L'innovation, elle est plus aimée par le diable et par le shaytan. Shaytan, il préfère l'innovation au grand péché, au péché. Et ils ont expliqué cela en disant, les salafs ont expliqué cette parole en disant, لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها. Pourquoi? Parce que le péché, on peut s'en repentir, mais l'innovation, en général, on ne s'en repent pas. Pourquoi l'innovation en général? Pourquoi en général les gens de l'innovation ne se repentent pas, contrairement aux gens qui commettent des péchés? Parce que celui qui commet un péché, il sait que quand il commet ce péché, il sait qu'il fait quelque chose qu'Allah n'aime pas. Donc, constamment, il se remet en question et il se dit qu'il faut qu'il se repente de ce péché. Quant à celui qui est dans l'innovation, il pense qu'il se rapproche d'Allah avec cette innovation. Donc quand tu lui dis de délaisser son innovation, c'est comme si tu lui dis arrête d'adorer Allah, arrête de prier. Et n'importe quel musulman, tu lui dis d'arrêter d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il va le refuser. Donc cet innovateur, ou celui qui est dans l'innovation, en général, il ne va pas délaisser son innovation. Pourquoi? Parce qu'il pense que son innovation, elle le rapproche d'Allah. alors qu'en réalité, elle l'en éloigne. Je reviens à l'écrit du Cheikh. Le Cheikh, il dit ensuite, وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Ibn Mas'ud, il disait, suivez et n'innovez pas, car certes, il vous a été suffi les efforts vous ont été suffis, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose en plus, tout vous a été expliqué auparavant, donc vous n'avez plus qu'à suivre et à ne rien rajouter. C'est ce qu'il veut dire Ibn Mas'ud radiallahu anhu dans ce affaire. وقال الشعبي رحمه الله إياكم والمقايتة فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلون الحرام ولتحرمن الحلال فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به أو قال فاحفظوه. Al-Sha'bi, rahimahullah, qui était un tabi'i, il disait, prenez garde au raisonnement par analogie, car par celui qui détient mon âme entre ses mains, si jamais vous faites du raisonnement par analogie, vous allez rendre licite ce qui est interdit, et vous allez interdire ce qui est licite. Donc ce qui vous est rapporté de ceux qui ont mémorisé les paroles des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez-le. Ou, il a dit, mémorisez-le. Ce qui vous est rapporté de ceux qui ont mémorisé les paroles du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez-le, acceptez-le. Et ici, lorsqu'il met en garde contre le raisonnement par analogie, Al-Sha'bi, rahimahullah, wallahu a'lam, il veut dire par là le raisonnement par analogie, le qiyas, qui est utilisé alors qu'il y a des textes, il y a un verset ou il y a un hadith qui vient sur la question. Donc, si jamais il y a un verset ou un hadith, même s'il y a un texte sur la question, il n'y a pas de qiyas à faire. Il n'y a pas de raisonnement analogie parfait à faire. وقال الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة وقل بما قالوا وكف عما كف القوم عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ. Subhanallah. Écoutez cette parole de l'Auza'i, rahimahullah, ce grand tabi'i, il disait, endure et patiente sur la sunna. Endure et patiente sur la sunna. Et dit, les salafs. Patiente, endure et patiente sur la sunna. Et dis, comme on dit les salafs. Et arrête-toi ou tais-toi. Dis ce qu'on dit les salafs et tais-toi sur les choses sur lesquelles ils se sont tus. Et suis le chemin de tes pieux prédécesseurs, car il te suffira ce qui leur a suffi. Il te suffira ce qui leur a suffi. Ça revient à la parole d'Ibn Mas'ud. Suivez et n'innovez pas, car certes, tout a déjà été expliqué avant vous. Ensuite, le Cheikh il dit, فبان بهذا أن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc par là, il apparaît clairement que les compagnons de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'in et ceux qui sont venus après eux sont unanimes sur le fait de réfuter et de rejeter tout ce qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa uswatuhum fi dhalik nabiyukum وأسوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم فقد رد المخالفات ردا قويا وزجرا شديدا يجعل من سمعه وكان له قلب وكان ذا بصيرة ينزجر من عن مخالفته. إلى exemple dans cela, l'exemple des salafs dans le fait de rejeter et de réfuter tout ce qui contredit la sunna, l'exemple des salafs dans cela, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, il a rejeté et il a réfuté toutes les contradictions avec force et avec un blâme sévère. De telle sorte que celui qui l'entend et qui a un cœur vivant et qui a de la clairvoyance, il va délaisser sa contradiction. لما خرج إلى ثقيف وهوازن بعد الفتح مر صلى الله عليه وسلم بسدرة يعكف المشركون عندها ويموتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط أو يقال لها ذات أنواط. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en expédition vers Thaqif et Hawazin après avoir récupéré la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une expédition, il est passé par un arbre auquel un arbre autour duquel les mouchriquines, les polythéistes, se réunissaient et en lui demandant la baraka, en attendant la baraka de cet arbre, la bénédiction. Et ils y accrochaient leurs armes. Cet arbre, il l'appelait ذات أنواط. فقال الحدثاء يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Donc, certains novices dans l'islam, qui débutaient dans l'islam, qui étaient dans l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'armée des musulmans, ils ont dit: ô messager d'Allah, donne-nous à nous aussi un arbre ذات أنواط comme eux ils ont ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'ils lui ont dit ça, il s'est énervé. Et il a dit: Allahu Akbar. C'est une règle. Vous avez dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, comme ont dit les enfants d'Israël à Moussa, donne-nous un dieu comme ils ont un dieu, comme ils ont des dieux à Afwan. Le cheikh il va expliquer ici. Il dit: إذا نظرنا إلى محتوى المقولة وزمانها يظهر العجب العجاب ويشتد الداعي إلى الله على بصيرة فيمضي إلى ما يدعو إليه من الحق. Si on regarde le contenu de cette parole et le moment où elle a été dite, il apparaît des choses étranges. Et celui qui appelle à Allah avec clairvoyance, il reste ferme et il continue dans ce à quoi il appelle comme vérité. فأولاً من حيث لفظها هي مختلفة. Tout d'abord, premièrement, au niveau du terme, les termes sont différents. Les termes entre ce que les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les termes que les juifs ont dit à Moussa alayhi salam. فأصحاب محمد sallallahu alayhi wa sallam قالوا يا رسول الله وأصحاب موسى قالوا يا موسى أليست العبارتان مختلفتين في القول؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نادوه باسم الرسالة وهذا غاية في التوقير والتأدب معه وأصحاب موسى نادوه باسمه في غاية الجلافة Wasuil adab. Donc, le cheikh il dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ô messager d'Allah. Et les compagnons de Moussa, ils ont dit, ô Moussa. Les deux termes ne sont pas différents. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont appelé par le nom du message, yani, ô messager d'Allah. Et ceci est au summum du respect et du bon comportement avec lui, envers lui. Et les compagnons de Moussa, ils l'ont appelé par son nom, par son prénom. Et ça, c'est de la brusquerie. Et c'est un mauvais comportement envers un messager. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولم يقولوا اجعل لنا إلها. أما أصحاب موسى فقد صرحوا ماذا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ومع هذا لم يفرق نبينا صلى الله عليه وسلم بين المقولتين لأن النتيجة واحدة هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. Également, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit donne-nous un zat anwat. Ils n'ont pas dit donne-nous un dieu. Tandis que les compagnons de Moussa alayhi salam, eux, ils ont été clairs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit donne-nous un dieu comme ils ont des dieux. Et pourtant, malgré qu'il y a une différence entre les deux termes, entre les deux paroles, malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction. Pourquoi? Parce que le résultat est le même. Qui est quoi? Qui est l'adoration d'autre qu'Allah. L'adoration d'autre qu'Allah. أما من حيث الزمان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزو وقائل هذه المقولة يشكلون نحو 2000 أو أكثر من المعكر فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مقولته الزاجرة فيهم إقط. Au moment où la parole a été dite, le cheikh il dit, certes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était en expédition, il partait à la guerre, il partait en guerre. Et ceux qui ont dit cette parole, ils représentaient à peu près 2000 hommes ou plus. 2000 soldats ou plus. Et pourtant ceci n'a pas empêché le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre, yani avec sévérité. لأنهم لو كانت منه صلى الله عليه وسلم مجاملة وحاشاه ما ارتدعوا عن مقولتهم ولا ذهبوا مع الغزو وهم في نفوسهم شيء من الشرك ولو أنهم ذهبوا وهم يعتقدون ذلك قبل أن يقتلعه من قلوبهم فإن انتصروا لم يكن انتصارهم انتصار إسلام يعني بالنسبة لهذا العدد القائلين هذه المقالة ولو مات أحد من أصحاب هذه المقالة مات على الكفر فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزجر الذي سمعتم زجرا اقتلع راتبة الشرك من قلوبهم واجتثها منهم أو واجتثها منها. Ensuite, le Cheikh, donc, il explique pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été sévère dans sa parole. Parce que, s'il aurait été doux, à ce moment-là, eh bien, ceux qui ont dit cette parole, ça ne leur aurait pas servi de leçon. Ils n'auraient pas délaissé cela. Ils seraient partis en guerre, et ils seraient partis en guerre avec une partie de polythéisme dans leur cœur et dans leur âme. Et s'ils seraient partis en ayant cette croyance qu'on peut obtenir la bénédiction des arbres, s'ils seraient partis en guerre avec cette croyance, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'arrache de leur cœur, S'ils auraient été vainqueurs, leur victoire n'aurait pas été une victoire pour l'islam. Yani, c'est-à-dire, le cheikh dit, c'est-à-dire pour ces personnes-là qui ont dit cette parole. Yani, ça n'aurait pas été pour eux une victoire d'islam. Et si l'un d'entre eux qui a dit cela serait mort dans la bataille, il serait mort sur la mécréance. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a blâmés de cette manière, tel que vous l'avez entendu. Un blâme qui a arraché le résidu de shirk, le résidu de polythéisme de leur cœur. وَلَمْ يَقُلْ نَحْنُ فِي غَزُوْ وَفِي حَرْبْ مَعَ عَدُوْ وَهَؤُلَاءِ يُشَكِّلُونَ السُّدُسَ الْمُعَكَّرْ تَقْرِيبًا لَا لا بد من التربية والتصفية، لا بد من سياسة التوحيد، لا بد من قلع الشرك من قلوبهم واجتثاثه منها حتى لا تبقى له راتبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit nous sommes en expédition et nous allons en guerre avec l'ennemi, et ces gens-là, ils représentent un sixième de l'armée à peu près. Non, au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, il est indispensable d'éduquer et de purifier, il est indispensable de pratiquer la politique du tawhid, il est indispensable d'enlever le shirk de leur cœur et de l'arracher pour qu'il n'y ait plus aucun résidu de shirk. والنقل عنه صلى الله عليه وسلم كثير وكثير جدا لكن مقصودنا البيان بأن الرد على المخالف من أصل هذا الدين ومن قواعد الدعوة إلى الله على بصيرة. Et il y a beaucoup d'autres hadiths qui sont rapportés du prophète صلى الله عليه وسلم dans ce domaine, mais ici nous avons juste voulu montrer que la réplique aux contrevenants est une base de cette religion et que ça fait partie des règles de la da'wa, de la prédication à Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Et c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui. Et il nous restera encore deux cours, inshallah ta'ala, pour finir cet écrit de Cheikh Obeid, hafizahullah ta'ala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين